إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On était donc, أما بعد, on était donc arrivé à la 15e règle sur le tekfir, أي الضابط الخامس عشر parmi الضوابط qu'on a appelé ضوابط التكفير de Cheikh Mohamed bin Omar Bazmoul, qui l'a mis en guise d'introduction à son explication du livre Nawaqid al-Islam. Et comme j'avais promis, j'ai essayé de tenir ma promesse, on va lire ce chapitre qui est très court de Cheikh Bazmoul, il ne fait même pas une page. Et normalement, on devrait rentrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire Nawaqid al-Islam. Mais comme je l'avais dit, et je vous ai promis de le faire, c'est que j'ai dit qu'on allait faire un cours qu'on va faire plus large, c'est-à-dire qu'on va ramener d'autres paroles, d'autres gens de science, pour que ce soit bien ancré dans nos cœurs et dans nos têtes que le tekfir sur les individus spécifiques, ce qu'on appelle tekfir al-mu'ayyan, al-marji' fi dhalika ahl al-'ilm. Et vous allez voir que c'est même pas n'importe qui parmi ahl al-'ilm. Inch'Allah. On va rapporter Cheikh al-Fawzan. Et rien que Cheikh al-Fawzan, on aurait pu ramener plus d'une dizaine de paroles. Inch'Allah, comme je vais vous montrer dans un instant, c'est une silsila qu'on a fait sur notre site spfbirmingham.com et qui a pour titre « Le jugement de tekfir sur un individu spécifique revient aux enracinés dans la science ». Donc, plusieurs des paroles qu'on a citées ici, elles sont déjà sur cette silsila qui est sur le site et qui va aller en augmentant, Inch'Allah, parce qu'au fur et à mesure de mes lectures, hein, eh bien, je rajoute, dès que je trouve une parole, comme ça, dès que je trouve une parole d'un savant là-dessus, eh bien, je la traduis et je la mets. Et pour le moment, on va arriver, Inch'Allah, peut-être demain sur le site, à 6 ou 7 PDF déjà écrits là-dessus. Donc on va citer Cheikh al-Fawzan, on va citer le Mufti, Inch'Allah, on va citer Cheikh Obeid, on va citer Cheikh Ahmed Najmi, on va citer Cheikh Saleh Ali Cheikh, on va citer Cheikh Khalid Abou Abla'la, qui cite d'ailleurs Cheikh Saleh Ali Cheikh. On va citer d'autres savants, hein, parmi les gens de science, qui expliquent bien, et surtout dans la parole de Cheikh Saleh Ali Cheikh, elle est très précise, elle a été faite dans un contexte particulier d'ailleurs, hein, qui montre bien que le jugement, en fait, de ce qu'on appelle « hukm al-mu'ayyan », c'est-à-dire juger un individu spécifique, un tel, hein, comme étant un mécréant, eh bien ça, ce n'est pas à nous, au commun des musulmans, ni aux différentes catégories d'étudiants en sciences islamiques, et comme Cheikh Najmi va dire, ni même en talib al-ilm mutamakkin. Ça revient aux gens de science, ahl al-ilm. Khal, satan, comme l'a dit Cheikh Najmi, rahmatullah alayhi. Hein, que soit bien ancré, parce que certains frères qui tournent autour de cette mosquée ici, hein, qui même prient avec nous, etc., ou en dehors, ou même en France, comme j'ai pu entendre, ou au Maroc, comme j'ai pu l'entendre, etc., hein, qui répandent cette choubha-là et qui font croire aux gens que non, Akhi, t'es obligé de faire le tekfir sur les gens spécifiques. Et si tu le fais pas, t'es un mourji. Hein? Attention à ça. Et je le dis, et je vous le redis, il y a des manahij, hein, qui sont dangereux, il y a des voies qui sont dangereuses. Parmi les voies dangereuses, c'est la voie du tekfir, ce qu'on appelle tekfirion. Évidemment, comme on va le voir dans la parole de Cheikh Saleh Ali Cheikh, ça ne veut pas dire qu'on dit comme certains qu'il n'y a pas de tekfir. Comme Cheikh Saleh Ali Cheikh, il y en a qui disent, non, même pas les chrétiens, les juifs, tu ne peux même pas dire qu'ils sont mécréants. Hein? Tu peux même cela, tu ne peux pas faire le tekfir. Là, Cheikh Saleh Ali Cheikh, il va bien expliquer ça. Donc, Ahl Sunnah, encore une fois, ils sont comment? Ah, l'wasat. Ils sont dans le juste milieu. Le tekfir, il existe dans la religion. Hein? Walakin, c'est à qui revient le tekfir? Eh bien, ça revient aux gens de science. D'accord? Et parmi les manages qui sont dangereux, c'est le manage al-Haddadiyya. Et le manage al-Haddadiyya, comme les ulama, ils ont écrit beaucoup ces derniers temps, je vous conseille de lire beaucoup les aqwal sur Sahab, les nouveaux rodots de Cheikh Rabi, etc., hein? Et de Cheikh Ahmed Bazmoul, etc., qui mettent en garde sur un nouveau genre de al-Haddadiyya. Hein? Et pour les frères, peut-être qui travaillent avec moi tous les jours, etc., mes collègues et les frères qui sont un peu plus proches de moi, etc., ils savent très bien ce que je veux dire. Et je les ai mis en garde déjà il y a au moins 2 ans. Je leur ai dit, attention, on a ce genre de frères-là ici. Parce qu'alhamdoulilah, ça fait très longtemps qu'on combat les tekfiris, qu'on combat les hadadiyah, et on les sent de loin. Attention, attention, attention. Et comme l'a dit Rabi, il tourne autour de certaines masailles, comme l'Udr bil Jahl, etc. Hein, et il t'impose de parler de ces masailles-là, il tourne toujours autour de ces masailles-là, il faut loin l'albara sur ces masailles-là, etc. Sans revenir au tafsil des ulama. Hein, et après, si toi tu ne veux pas rentrer dans leur jeu, ils disent que toi tu es un mourji. Attention. Donc là, ici, ça va être bien clarifié aujourd'hui, Inch'Allah, que, et c'est la dernière règle, et elle a toute son importance, que quoi? Que le tekfir, et c'est ce qu'il va dire Cheikh Bezmoul, il dit, Hafidah Allah Ta'ala, أن المرجع في أمور التكفير وتنزيلها أو تنزيلها على الواقع هم ولاة الأمر من العلماء والأمراء وليس ذلك متروكا لأحد الناس. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette 15e règle que Cheikh Bezmoul حفظه الله تعالى il cite ici? L'autorité compétente dans les affaires relatives au tekfir et leur mise en application sur la réalité sont qui, il a dit le shir? Les gens qui détiennent le commandement, les savants et les gouverneurs. Et on va voir pourquoi, Inch'Allah. Là, c'est, ouah, rien que ça, ça suffit. Et ça rejoint, et c'est ce que je vais traduire une fois, Inch'Allah, dans les jours qui viennent, Inch'Allah, de Cheikh Hassan al-Banna. Et on va citer une parole de Cheikh Hassan al-Banna dans un livre, je vais vous amener plusieurs livres qu'on va lire certains passages aujourd'hui, Inch'Allah. Et c'est des livres que je vous ai recommandés dans le manhaj dans certains de mes cours précédents. Cheikh Hassan al-Banna, il a fait un ta'liq sur une parole qu'on va lire plus tard, Inch'Allah. Et je vous ai dit que quand il est venu en Angleterre, je me suis assis avec lui et je lui ai posé la question dans la mosquée et je lui ai posé la question aussi dans une assise privée. Et il a dit, ces frères-là qui disent ça, trouvez quelqu'un d'âgé dans la mosquée qui leur fasse nasiha. Je leur ai dit, Cheikh, on l'a déjà fait, on a fait nasiha, etc. Il a dit, ils n'acceptent pas. Et il a dit alors qu'ils trouvent une autre mosquée où prier. Mais là, j'ai le wad, il est clair. L'ouala al-bara, on a des qawaïd, on a des osoul. Ce qui fait mal au cœur, sarahatan, c'est qu'on voit certains de nos frères, ils ont un manque dans l'ouala al-bara, sarahatan. Parce que comme certains parmi les ulama, ils ont cité, il y en a un que je vais citer aujourd'hui, Inch'Allah, c'est Cheikh Abdel Latif Ali Cheikh, rahmatullah alayhi, mort en 1293. Hein, il a cité dans son réfutation d'un livre al-Ghazali qui est Ihya Ulumuddin, hein, on va en parler dans un instant, Inch'Allah. Il a dit que certaines personnes ont une erreur en croyant que le Walal Bara c'est juste avec quoi? Avec le Kuffar, là. Et où est la position des gens de la Sunna par rapport aux gens de l'innovation religieuse? On en a parlé dans Usul Sunna, on en a parlé, il faut lire les livres des salafs encore une fois, etc. Donc il faut un mawqif. Financière, bien sûr, si tu peux, etc. Et après, si la personne ne veut pas, il faut que tu prennes un mort de cette personne-là. Et si elle appelle à ce genre d'idéologie-là, etc., il faut mettre en garde. Attention, il y a Ikhwa. Donc, on a dit quoi? L'autorité compétente dans les affaires relatives au tekfir et leur mise en application sur la réalité sont les gens qui détiennent le commandement, les savants et les gouverneurs. Et cela n'est pas laissé aux particuliers parmi les gens, le cheikh, il a dit. وليس ذلك متروكا لآحاد الناس فإن النظر الشيخ بزمولي دي في قيام الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع encore une notion qui revient toujours elle va revenir dans la parole du Cheikh Saleh Ali Cheikh dans les paroles du Cheikh Al-Fawzan parce que c'est parmi les أصول de l'Ahl al-Jama'a c'est ce qu'on appelle التفريق بين تكفير النوع وتكفير العين alhamdulillah c'est une notion qui commence à être connue pour vous alhamdulillah le تكفير de genre le تكفير d'un individu spécifique toujours la même notion de quoi ولا يتم الحكم على شيء حتى الشروط تجتمع والموانع ترتفع ها اتترا فان النظر في قيام الحجه بثبوت الشروط وانتفاء الموانع لا يحسنه اي احد ويحتاج الى امور لا تتيسر الا لولاة الامر بل وليس الى افراد العلماء ان لم يكونوا من العلماء الذين هم من ولاة الامور او من ولاة الامر كما الذي بغيت بلي بريسي الشيخ ici. فإن هذا الباب من الأبواب التي تحتاج إلى سعة علم وسعة نظر وحكمة وتدقيق وهذا لا يحسنه أي أحد إنما يحسنه العلماء الذين خصهم الله سبحانه وتعالى بالتوقيع عنه في الأحكام والفتوى. Vous avez entendu le mot ici, التوقيع. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, il a un fameux livre en pas mal de volumes qui est « I'lam al-muqqi'in al-rabbi al-alamin ». Attention quand tu fais la fatwa, quand tu fais le tekfir, etc. Attention à ce que tu fais. « Wa fi tabligh al-nas umur al-din ma'a maladihi min al-sulta al-tanfidiyya wal-idariya ». Avec ça, on a fini la parole de Cheikh Bezmoul là-dessus. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Bezmoul, dans cette 15e et dernière règle parmi les règles du tekfir qu'on a citées? Et c'est le 7e cours aujourd'hui. L'analyse en ce qui concerne l'établissement des preuves par la présence des conditions et l'absence des empêchements, toujours cette notion de quoi, des conditions et des empêchements, n'est pas maîtrisée par tous. Masha'Allah, nous on a des ulama, des muftoun ici, on a des qudat. Hein? On a des rasikhoun fil ilm ici. Tu lui poses une question dans le tahara, qui va dire, Chisra allait aller dans le zakat, dans l'ahkam tafsilé, c'est pas te répondre, mais Masha'Allah fait tekfir sur les gens. Hein? Et après, il va faire des tribunaux avec moi, avec Cheikh Falah Ismaïl. Cheikh Falah Ismaïl, première question qu'il a posée l'un d'entre eux, il a dit, cette femme que tu as dit que c'est une kafra, tu lui fais le salam, tu pries sur elle si elle meurt. Il a dit non, il a dit, tu as fait le tekfir sur elle, pourquoi tu n'acceptes pas ça? Pourquoi tu n'acceptes pas la nasaha du frère? Il ne comprenait pas qu'il avait fait le tekfir en fait. Hein? Non, j'ai dit que c'est une mécréante, mais je n'ai pas fait le tekfir. Comment ça, tu n'as pas fait le tekfir? Pourquoi? Parce qu'ils rentrent dans des domaines qui ne sont pas de leur niveau. Et après, le problème, c'est qu'ils n'acceptent pas non plus nasiha. On a dit quoi ici? N'est pas maîtrisé par tous et cela requiert des choses qui ne sont facilitées qu'aux gens qui détiennent le commandement. Mais de plus, cela ne revient pas aux particuliers parmi les savants. Comme il a dit Cheikh, il a dit « Afrad l'ulama » ou « Ahad l'ulama ». Cela ne revient pas aux particuliers parmi les savants qui ne sont pas des savants qui font partie des gens qui détiennent le commandement. Et c'est ce que m'a dit Cheikh Hassan Benna quand l'audio est disponible chez les frères de Manchester. Hein? Parce que ça se fait au Merkez Salafi de Manchester. Il a dit, ce que je lui dis à Cheikh, j'ai levé ma main dans la mosquée, j'ai dit à Cheikh, il y a des gens, parce qu'on a posé la question, j'ai dit à Cheikh, il y a des gens qui obligent les frères à faire le tekfir, etc. Il a dit, ya akhi, c'est ni pour moi ni pour toi. Alors Cheikh Hassan Benna, il a passé les 90 ans, il a presque 90 ans, il a été l'élève de certains des chouyours qui sont parmi le kibar aujourd'hui, comme Abdelrazzaq Afifi. Et il dit quoi? Il dit ça, ça revient même ni à moi ni à toi, ça revient au kibar ahlain. Et il y a des petits jeunes qui ne dépassent pas la trentaine, qui ont à peine dépassé la trentaine. Hein? Peut-être qu'ils ne savent même pas faire le wudu comme il fait, peut-être qu'ils ne savent même pas faire le jumla mufida correct en arabe. Et qu'est-ce qu'ils font? Hein? Le tekfir, masha'Allah. Maintenant, on va sortir du livre de Cheikh Bezmoul et on va rentrer dans la série de cours que je vous ai dit, qui est quoi? Le jugement de tekfir sur un individu spécifique revient aux enracinés de la science, d'accord? Que j'ai intégré en partie dans ce cours-ci, pour que vous suiviez. Car ce sujet fait partie des sujets qui requièrent une science étendue. Excusez-moi, j'ai toujours pas fini la parole de Cheikh Bezmoul en fait, à la fois. Hein? Il y en a qui je voyais des regards qui... Hein? C'est vrai, on n'a pas encore terminé la parole de Cheikh Bezmoul. On est pressé de rentrer dans les paroles des autres ulama. Car ce sujet, Cheikh Bezmoul dit, fait partie des sujets qui requièrent une science étendue et un esprit d'analyse étendu. Une sagesse, une précision, et cela n'est pas maîtrisé par tous, le Cheikh dit. Ce n'est maîtrisé que par les savants qu'Allah a choisi, le Cheikh dit, comme étant de manière spécifique ceux qui signent en son nom. Les jugements et les fatawas et dans la transmission des affaires de la religion aux gens avec ce qu'ils possèdent comme pouvoir exécutif et administratif. Parce qu'il faut savoir, ça y est, que le tekfir, il y a beaucoup de choses qui découlent du tekfir. Le murtad, il a des ahkam, comme on va le voir dans un instant, inshallah. Ce n'est pas une chose facile. Il y a des ahkam par rapport à sa femme, par rapport à l'héritage, par rapport à l'enterré, par le fait de son exécution, etc. etc. Ce n'est pas une mince affaire. Et donc moi maintenant je dis, afin de compléter ce cours et d'étoffer le sujet, c'est-à-dire moi, cite ci-dessous, en plus de la parole de Cheikh Mohamed bin Omar Bezmoul, qu'Allah le préserve, les paroles et comme je l'ai dit, cette citation n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'elle va, chaque fois que je vais trouver une parole d'un shir, rien que sur le site de Cheikh Al-Fawzi, il y en a plus d'une dizaine. Hein, mais qu'est-ce qu'ils veulent, qu'ils prennent eux, certaines paroles de Cheikh Al-Fawzi, mais ils parlent de manière générale. Là, il dit n'importe qui que c'est qui le kafir, etc. Ah, ouais, on peut y aller, on peut faire le tekfir. Et toutes les paroles où Cheikh dit ça revient pas à toi, ça revient aux gens de science, tu les as oubliées. À tel point que j'ai voulu faire écouter une parole de Cheikh Al-Fawzi à un frère, il n'a même pas voulu écouter. Regardez pourquoi, il ne veut pas écouter. Pourquoi il y a taqid thumma yastadil. Et un de ses frères là, qu'on a une jelsa, il a pris plein de livres, de cassettes, d'articles, ça devant Cheikh Falah. Moi, je me suis tué pendant plus de 2 heures. Hein. Moi, je regardais, c'est tout. Et il lisait tout. Et Cheikh Falah, il lui montrait qu'en fait, il n'a rien compris à ce que les ulama, ils ont dit. Et le frère, il transpirait, il était là, il s'en mêlait les pinceaux, etc. Pourquoi tu rentres dans des messaïls comme ça? Pourquoi? Allez, pourquoi? Et même certains d'entre eux, après, ils ont menti, ils ont dit non, Cheikh Falah, il a dit que j'avais raison. Moi, j'ai rien dit parce que moi, je me suis tenu à ce qu'il a dit, Cheikh Falah. Cheikh Falah m'a fait une je j'ai rien dit après. Je sais qu'il ment, je me suis tué. Avec Allah, il kibine l'haq. Subhanahu wa ta'ala. À la kouli hal, c'est pas vous croyez que c'est une mis'ala personnelle, c'est une mis'ala ilmiya. C'est des gens qui ont une mukhalafat, on leur a fait une nasiha, ils n'ont pas accepté, ils ont voulu prendre ça chez le mashayikh. Alhamdulillah, on en accepte, on n'a pas de problème avec ça, alhamdulillah. Hein? Il faut accepter une nasiha. C'est quand tu rends des mis'ala dangereuses comme ça et tu y appelles. Donc on a dit, et les paroles d'autres parmi les gens de science, et cette liste elle n'est pas exhaustive, qui vont dans le même sens quant à l'établissement de cette règle fondamentale. C'est quoi la règle? Hein? Eh bien c'est la règle que quoi que le tekfir, d'un hadith spécifique, revient à tekfir mu'ayyan, le marja' fihi ila khasati ahli l'ilm, al-rasikhin fil l'ilm, al-qudat al-muftoun, al-mu'tabaroun. Et comme j'ai dit, c'est une série de cours, je le répète encore une fois pour que vous connaissiez bien le titre, le jugement des tekfirs spécifiques revient aux savants enracinés dans la science. D'accord ? Première parole, hein, première parole, c'est une parole du mufti d'Arabie Saoudite, son imminence, Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh. D'ailleurs, la première nasiha que j'ai fait à un de ces frères-là, c'est que j'ai donné cette fatwa de Cheikh Al-Mu'ayyan. Il y a des frères qui sont témoins de ça. J'ai donné cette, et c'est là que ça a commencé. Hein ? Moi, j'ai juste donné cette fatwa de Cheikh Abdelaziz en croyant qu'il allait, le frère allait l'accepter tout simplement. Dire voilà, écoute, voilà, c'est ce qu'il dit le mufti, rentre pas là-dedans. Hein? Ils ont voulu aller mener ça plus loin et rentrer plus profondément dans le message. C'est ceux qui paient les conséquences de ça. Voici une parole du mufti d'Arabie Saoudite, son éminence, Cheikh Abdelaziz Cheikh, qu'Allah le préserve, qui, de manière explicite, établit que le jugement de tekfir, juger quelqu'un mécréant sur un individu spécifique, ne revient qu'aux enracinés dans la science. Le shirk, qu'Allah le préserve, fut questionné de la manière suivante. Évidemment, comme notre habitude, on a mis toutes les sources. Si vous voulez écouter en arabe, si vous voulez lire, si vous voulez écouter, il y a des audios, hein, ou il y a des audios sous forme de vidéo, etc. Il y a des titres de livres qu'on a cités, etc. Alhamdulillah, écoutez les paroles d'un shirk en arabe. Hein, déjà, ça va augmenter votre certitude, inshallah. Et puis, c'est bien d'écouter en arabe ce que disent directement des shirk, etc. D'accord ? Question. Je sais que celui qui se moque d'un point de la législation d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, est en grand danger. Qui arrive au degré de mécréance. Est-il donc correct que je décrive celui qui commet cela comme étant mécréant ou que je dois faire? Qu'Allah vous récompense en bien. Et c'est une question posée par Faisal ibn Abdullah al-Shurim du quartier de Rabwa en Arabie Saoudite. Réponse du mufti. Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh, hafidhahullah ta'ala. Celui qui se moque d'un point de la religion ou se moque d'Allah le Très-Haut ou du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un mécréant, apostat. Et la preuve de cela est la parole d'Allah le Très-Haut, dont la traduction du sens est « Dit est-ce d'Allah de ses versets, c'est-à-dire le Coran et de son messager, que vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. » Et c'est un verset de quelle sourate? Sourate al-Tawba, on en a déjà parlé dans certains de nos cours et on va encore en parler dans certains de Nawaqid, des annulatifs de l'islam, quand on va en parler, Inch'Allah. Sourate al-Tawba, verset 65-66. Le Mufti continue en disant « Voilà donc le jugement de celui qui se moque. » Mais il est obligatoire pour poser ce jugement sur une personne spécifique de lui dresser les preuves et que l'on sache que les conditions pour le juger mécréant soient réunies. Encore une fois, cette notion de quoi le shurut al-mawani' et que les empêchements qui empêchent de poser ce jugement soient levés. Et ceci ne doit venir que d'un savant enraciné dans la science. Apparemment, on en a beaucoup ici à Smolhith. Qui sait dresser les preuves de manière correcte et connaît les conditions pour juger quelqu'un. Une personne spécifique, mécréant, et qui connaît les empêchements qui empêchent de poser ce jugement. Et je vais dire, écoutez le conseil. Et c'est, moi, je l'ai donné à ce frère-là en guise de. Et ce frère-là, je lui ai demandé ce que tu connais dans l'islam. Il m'a dit non. Et il rentre dans le masail comme ça. Et je désire conseiller mes frères en islam en général et les étudiants en sciences islamiques en particulier qui prennent garde à tomber dans cette voie car c'est un sujet où les pieds peuvent glisser et les compréhensions peuvent s'égarer. Et qu'ils renvoient cette affaire à ces gens qui en sont capables, les savants enracinés dans la science. Et puis j'ai mis la source, magazine Dawa, titre numéro 3, numéro de magazine 1697, en date du 29 de Rabi al-Awwal 1422, correspondant 21 juin 2001, page 40. Et cette parole, elle a été publiée sur notre site, sous la série que j'ai dite, numéro 1. Vous la trouvez déjà en français avec les sources, etc. Il y a les gens qui nous écoutent sur la radio, ils peuvent même la télécharger tout de suite, elle est déjà sur notre site. Voici une autre parole, après avoir apporté la parole de qui? Du mufti. Hein, là, on a parlé du mufti. Rien que ça, ça suffit pour, comme ils disent les ulama, comme dit l'Albani rahimahullah, mourid al-haq, yakfihi, dalil, un dalil. Celui qui ne veut pas le haq, monsieur l'amène, mille dalil, ça lui va pas. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous dis, je connais des frères même qui étaient salafis, qui sont rentrés là-dedans, et qui maintenant disent, Cheikh Al-Fawzan, c'est un mouchrik. Ils sont rentrés tellement loin qu'ils kaffar Cheikh Al-Fawzan. Cheikh Al-Fawzan, mouchrik, toute sa vie, il a passé à prendre le tawhid, à mettre en garde sur le shirk, et toi tu l'appelles mouchrik. Alors que tu n'as peut-être même pas étudié la préface d'un livre de Cheikh Al-Fawzan. Peut-être que c'est même pas la lire avant de l'étudier, c'est même pas la lire. Faire attention, les gens rentrent là-dedans jusqu'à ce qu'ils vont très très loin. Voici notre parole après avoir apporté la parole du mufti d'Arabie Saoudite, qu'Allah le préserve, de l'imminence avant qui? Cheikh Saleh Al-Fawzan. On va citer que des montagnes. Hein? Celui qui va taper sa tête contre la montagne, qu'il s'en prenne qu'à lui-même. On lui dit « Ashfiq al-ra'sik ». Sois miséricordieux, sois doux envers ta propre tête. Tu ne vas pas faire mal à la montagne. Il établit que le jugement de tekfir, juger quelqu'un mécréant sur un individu spécifique, ne revient qu'aux savants enracinés dans la science. Question posée à Cheikh Al-Fawzan. D'accord? Qui est l'apostat? Nous voudrions sa définition de manière claire, car il se peut que quelqu'un qui a une ambiguïté juge quelqu'un d'autre apostat. Réponse de Cheikh Al-Fawzan. Juger quelqu'un apostat et qu'il est sorti de la religion fait partie des responsabilités des gens de science enracinés dans la science. Et ils sont les juges dans les tribunaux islamiques et les muftis reconnus en tant que tels. Cette affaire est comme toutes les autres affaires. Ce n'est pas du droit de tous ou du droit des différentes catégories d'étudiants. Littéralement, il a dit ceux qui apprennent. Al-muta'allimin. Ce n'est pas du droit de tous ou du droit des différentes catégories d'étudiants ou de ceux qui s'affilient à la science, alors que la compréhension de la religion leur fait défaut. Il n'est pas de leur responsabilité de juger quelqu'un apostat, car ceci a pour conséquence la corruption. Et il se peut qu'ils jugent le musulman apostat alors qu'il ne l'est pas. Juger un musulman qui n'a pas commis une annulation de l'islam comporte un immense danger. Et c'est lui qui dit à son frère, « Mais ô mécréant, kafir, ou ô pervers, fasiq, alors qu'il ne l'est pas, alors la parole retourne à celui qui l'a dite. » Donc, ceux qui jugent quelqu'un apostat sont les juges des tribunaux islamiques et les muftis reconnus en tant que tels. Et ceux qui appliquent ces jugements sont les gouverneurs musulmans. Tout ce qui en dehors de cela est anarchie. Hein? Et Cheikh Al-Fawzan, dans certains de ses audios où il parle de ça, de tekfir al-mu'ayyan, il fait référence à une autre notion, c'est taqwa. Et l'hikma aussi. Et il fait référence à des gens qui parlent avec le haq et pas avec leur hawa. Source, c'est tiré du site officiel du ministère des Affaires religieuses et du legs pieux et de l'orientation de la prédication. C'est un site sous l'égide de Cheikh Saleh Ali Cheikh. Et j'ai mis un autre lien, j'ai mis un autre lien de Sahab. Et la date à laquelle la question a été posée, c'est le 25 du 5 1428, c'était plus ou moins il y a 6 ans. Et cette parole a été publiée sur notre site dans la série précitée sur le numéro 2. Troisième parole maintenant, on a cité qui le Mufti, Cheikh Al-Fawzan, mais une autre parole. Il fait partie des choses connues. Et ça, je vais peut-être vous le lire en arabe aussi. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de ce livre-là. C'est un livre qui s'appelle « Al-Nahj al-Aqwa fi Arkan al-Fatwa, dirasatun fiqhiyatun muqaratun li ahkami wa adab al-Fatwa al-Mufti wal-Mustafti ». C'est « Al-Nahj al-Aqwa fi Arkan al-Fatwa » sur les piliers de la fatwa, la vie juridique. C'est une dirasa fiqhiyya, muqara li ahkam wa adab, comparée en fonction des jugements et des comportements de la fatwa et du mufti et du mustafti. Le ulama, quand il parle du mufti, c'est celui qui fait la fatwa. Le mustafti, c'est celui qui demande la fatwa. D'accord? D'ailleurs, il y a un adab. Quand vous retournez par exemple à Usul, Min Ibn Usul, de Charles Uthaymin, il y a un chapitre sur El Mufti ou El Mustafti, si je me souviens bien, parce que je l'ai lu dans ce livre-là. Et c'est un livre qui a été écrit par un juge, qui est docteur Ahmed ibn Suleiman ibn Yusuf Al-Arini, qui est un docteur et un juge en Arabie Saoudite. Préfacé par qui? Les deux que je viens de citer. Qui? Samahat Ma'ali Sheikh Abdelaziz ibn Abdullah Ali Sheikh, le Mufti, et Ma'ali Sheikh Salih ibn Fawzan Al-Fawzan. Hein? Qu'ils soient bien clairs, là, il y a un cachet qui est, deux cachets qui sont déposés. Rien qu'un d'entre eux, ça suffit. D'accord? Sur tout le livre. C'est un livre qui fait 775 pages sur la fatwa. Et il parle de toute la fatwa. Il parle de la fatwa dans le jihad, dans le talaq, etc. Et tout un chapitre sur le tekfir, qui est très long. D'ailleurs, moi, je vais traduire qu'une partie qui s'attache à étudier à qui revient le tekfir. Je vous le lis en arabe, peut-être c'est peut-être intéressant pour vous. Hein, même si le cours sera peut-être un peu plus long, mais... المسألة الرابعة من يملك الفتوى في التكفير regardez le titre comment il est clair si vous voulez peut-être que je lis tout en arabe et que je lis tout en français comme ça on suit من المعلوم والمتقرر شرعا أن الفتوى في مسائل الفقه عامة مقصورة على العلماء العارفين بمآخذ الأدلة ومقاصد التشريع فتحرم على من سواهم من قصر عليهم قصر علمهم فما القول إذن في الفتوى بإخراج أحد من الملة وطرده عن دائرة الإسلام وسلبه أصل الإيمان لا شك أن الأمر خطير جد خطير لا سيما وقد اختلف العلماء في مسألة التكفير اختلافا كثيرا عويصا والعويص الصعب الذي يعسر فهم معناه كما ذكر صاحب المصباح المنير والتكفير حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فواجب قصره على العلماء الربانيين قال الإمام الشافعي رحمه الله ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله وجهة علم بعد الكتاب والسنة وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها وهي العلم بأحكام كتاب الله فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده انتهى كلام الشافعي رحمه الله من رسالة الشافعي كان رسالة خيكونا أصول فقه الإمام الشافعي وقال الإمام الغزالي رحمه الله وعلم أن شرح ما يكفر به وما لا يكفر به يستدعي تفصيلا طويلا يفتقر إلى ذكر كل المقالات والمذاهب وذكر شبهة كل واحد ودليله ووجه بعده عن الظاهر ووجه تأويله وذلك لا تحويه المجلدات وليس تتسع لشرح ذلك أوقاتي فاقنع الآن بوصية وقانون أما الوصية فأن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ما داموا قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله غير مناقضين لها والمناقضة بتجويزهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال فالتوقف في التكفير أولى والمبادرة إلى التكفير إنما يغلب على الطباع من يغلب عليهم الجهل انتهى كلامه regarde juste si on va tout lire ou si on va un peu résumer. Et la deuxième partie de cette parole, en fait, c'est de l'imam al-Ghazali. Et je vais faire un point par rapport à l'imam al-Ghazali pour ne pas qu'on croie que c'est une recommandation pour lui en français, Inch'Allah. On continue comme ça, on ira tout en français, Inch'Allah. Awalan, faqultu wa minhoun yatahattamu al-wakuf ala l'umour al-taliya. Yatahattam ayyajib. Awalan, al-tafriq ben al-kufr al-asli au kufr al-ridda. Hein? Un des frères qui lisait certaines paroles à Cheikh Fala Ismail, il ne s'est pas rendu compte qu'en fait, il lisait des paroles sur les gens qui sont kufar aslioun. Et Cheikh lui a fait remarquer d'ailleurs. فالكفر الأصلي لا نزاع فيه وهو كتكفير الكفار من اليهود والنصارى ونحوهم أما كفر الردة الطارئ فهو مزلة الأقدام هو محل الفتن من بغلك المفتي لا سيما تكفير شخص بعينه فالخطأ والجهل والعجز والإكراه كلها تمنع من تكفير معين encore une fois la notion de quoi de موانع فلابد من توفر العلم والعمد والاختيار وانتفاء الشبهة في تكفير معين. Ça c'est quoi توفر quoi? شروط. ولا يمكن تكفير أحد إلا بدليل سمعي قطعي فلما دخل للعقل أو الشك أو الخلاف. ثانيا أن الله تعالى لم يتعبدنا بالتكفير، فنصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف ليس فيها فيما أعلم ما يدل على حرص الشريعة وتشوفها للتكفير، بينما نجد فيها التحذير والترهيب من التكفير. ثالثا وعفوا، فلا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بتكفير الآخرين. Et c'est ce qu'il dit Cheikh Abdelazali Cheikh dans un de ses cours, une khutba de Jumu'ah qu'il a donnée. Il a dit quoi? Il a dit que da'i l'Allah, il ne s'occupe pas à faire le takfir sur les gens, mais il s'occupe à appeler les gens au tawhid. فلا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بتكفير الآخرين ما لم يكن هناك كفر بواح يجب الحكم فيه من قبل أهل العلم والرياسة في الدين. ما شاء الله ندي رؤساء في الدين في العلم، لأن التكفير ينبني عليه أحكام تقتضي تدخل ولاة والقضاة لإقامتها. ثالثا يكوتي سا سي تريز امبورطون سا سي ان بارتي جو زافي ديجا لي دون ان دي كور، إطلاق الحكم بالتكفير خاص بأهل العلم والرياسة الدينية الذين بأيديهم الحل والعقد والإمامة الشرعية، فإذا كفروا أحدا صار لتكفيرهم ثمرة، وصار الناس على منهجهم، ونفذ الحكام أقوالهم، وأخذت العامة برأيهم. أما أفراد طلبة العلم وعوام الناس فلما دخل لهم في التكفير البتة، لما يترتب على إطلاقهم التكفير من العجلة وعدم العمق في العلم والدين والتحقق من شروط التكفير وانتفاء موانعه. رابعا، في التهاون في بالتكفير تظهر فتن كقطع الليل المظلم وتلتهب النيران في مجتمعات المسلمين التهابا يريح عدوهم ويفرح شامتهم. وكم عانت البلدان الإسلامية من فتنة التكفير على مر العصور منذ القرون الأولى إلى يومنا هذا، حتى انشغل المسلمون عن عبادتهم وشعائرهم الظاهرة واقتتلوا فيما بينهم وسفكت الدماء وخربت الديار وأتلفت الممتلكات، وكل ذلك بسبب التكفير الصادر عن غير أهل. خامسا وأخيرا، لا يمكن القضاء على الفتن كليا، فتلك سنة الله تعالى في خلقه، لكن الواجب على المجتمعات الإسلامية حكوماتها وشعوبها الاهتمام بشأن الفتوى والمفتين لإعداد المفتين البارعين في الشريعة وتوجيه المجتمعات نحوهم كي تنضبط الأمور وتتوحد الآراء الشرعية بنسبة كافية أو معقولة لتحصين المجتمع. فتحصين تحصين الفد فوختريس الحصن تحصين الفد بروتكسيون، تحصين المجتمع من التيارات التيارات الوافدة، ومن ثم تحكيم شرع الله تعالى بحق من شذ عن الجماعة بعد ذلك. Qu'est-ce qu'il veut dire Cheikh Al-Arini ici, avec introduction, préface de tout le livre du Mufti, Cheikh Abdelazali Cheikh et Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahumullah. Il fait partie des choses connues et établies dans la religion que l'avis juridique donné, fatwa, dans tous les points de la jurisprudence, le fiqh, est une responsabilité exclusive des savants qui connaissent les sources des preuves et les buts de la législation. Donner cet avis juridique est illicite à toute autre personne qui a moins de science. Que dire, il a dit quoi? Illicite, hein? Yahrum, il a dit. Que dire alors de donner un avis juridique sur une personne donnée comme étant sortie de la religion et de l'expulser de l'ensemble de l'islam et de nier qu'il possède la base de la foi? Certains d'entre nous, ils font ça autour d'un milkshake ou d'un café, comme s'ils buvaient, hein? Tranquille. La foi, c'est un kafir, murtad, mushrik, comme, hein? Subhanallah, regardez. Adam l'ilm, adam taqwa. Ils se prennent pour qu'est-ce qu'ils ne sont pas. Que dire alors? Il dit, il n'y a aucun doute que l'affaire est grave, très grave, et cela surtout lorsqu'on sait que les savants ont beaucoup divergé dans des points sur l'excommunication, le fait de dire que quelqu'un est sorti de la communauté, le tekfir, le fait de juger quelqu'un mécréant. D'une divergence difficile à comprendre. L'excommunication, le tekfir, et le jugement d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, il est donc obligatoirement exclusif aux savants émérites. Imam Shafi'i, rahimahullah, il a dit: Allah n'a permis à personne après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de parler qu'avec une science qui l'a précédé. Et cette science est le Coran et la Sunna et le consensus et les athar et ce que j'ai décrit comme analogie. Et ne peut pratiquer cette analogie que celui qui a regroupé la connaissance des outils qui lui permettent de faire cette analogie Il y en a certains qui connaissent même pas peut-être 1 ou 2 juz, même 3 juz, 4 juz, et ils se permettent de parler là-dedans. Combien de hadiths ils connaissent? Combien de règles ils connaissent? Combien d'usul ils connaissent? Hein? Combien d'ijma' ils connaissent? Combien d'athar ils connaissent? Et dis-lui rien que le qiyas. C'est quoi le qiyas? C'est quoi le qiyas? Hein? Et c'est quoi le maqis alayhi? C'est quoi le qiyas? Ils ne savent même pas t'expliquer tout ça. Et ils rentrent dans ces masaïls-là. Cheikh, il dit des outils qui lui permettent de faire cette analogie, et c'est la science des jugements du livre d'Allah, de ses obligations prescrites, et de sa prose, et de son abrogeant, et de son abrogé, et de son général, et de son particulier, et de sa guidance. Fin de citation de Shafi'i Rahman dans Risala, page 508. L'imam Ghazali. Alors attention ici qu'on ne croit pas, ouais, mais il a dit ça, ikhlas, il a dit le Ghazali, Cheikh Al-Arin, il a cité le Ghazali, on peut aller acheter les livres de Ghazali. Non. Hein? Point qu'on va faire par rapport à ça. Les savants de la Sunna, à travers les siècles, ont mis en garde contre ses déviances et ses livres, comme son livre Ihya Ulum al-Din. Voir la réfutation du Cheikh Abdul Latif ibn Abdul Rahman al-Ishir, mort en 1293 de l'Égypte. D'ailleurs, ce Cheikh-là, il a écrit ce livre contre Ihya Ulum al-Din parce qu'il a vu quelqu'un qui donnait cours des Awam, et leur donnait quoi comme cours? Ihya Ulum al-Din. Et qu'il a fait Nasiha, et qu'il lui a envoyé des gens, et qu'il a écrit une lettre, et qu'il n'a pas accepté, alors il a fait ce livre. Et c'est là que j'ai dit qu'il a parlé de Usul al-Sunnah al-Jama'a dans le Wala al-Bara, et qu'il dit qu'une erreur de certaines personnes qui croient que c'est qu'avec le kuffar. Hein? Regardez le mawqif des ulama. Il a fait Nasiha, il a fait Nasiha, etc. Il a vu qu'il n'a pas voulu comprendre, etc. Il a voulu faire un bain pour que les gens. Il a fait tout un livre de Nasiha sur qu'est-ce que c'est Ihya Ulum al-Din, pour que les gens sachent c'est quoi Ihya Ulum al-Din. Et après, nous, on vient nous dire, non, mais il est trop dur, il faut qu'il se taise un peu, il faut qu'il tempère ce jugement sur ses frères, etc. Hein? En sachant que malgré ça, on a fait le tabli'a sur aucun autre, parce que nous, ce monde-là, on connaît sur l'autre le mawani', le farq bin al-qawl al-qa'il, etc. Hein? Alors, bil achak, on dit qu'ils sont en danger, et qu'ils ont des choubouettes qui sont dangereux pour leurs frères, et pour eux-mêmes d'abord. Ce risala de Cheikh Abdul Latif Ali Cheikh, rahmahullah, elle s'appelle Al-Qawl al-Mubin fi at-tahdhir min kitab Ihya Ulum al-Din. Et le livre Hadihi hiya as-Sufiyya. Vous connaissez ce livre? C'est d'un cheikh qui s'appelle Abd al-Rahman al-Wakil. Vous avez entendu ce nom-là? Parmi les grands savants rahmatullah alayh. Parmi les grands, les kibar d'ahl al-ilm. Hein? Contemporain, hein? il n'y a pas si longtemps que ça, hein? Abd al-Rahman al-Wakil rahmatullah alayh. La question suivante a été posée au savant revivificateur de la Sunna, à cette Sunna bihaq, hein? رغم أنف التكفيريين والحدادية أسد السنة لليون لا السنة شيخ الألباني رحمه الله. Il a dit est-ce que le Ghazali est revenu vers la voie des pieux prédécesseurs à la fois la question qui lui était posée hein, à la fin de sa vie pardon est-ce que le Ghazali est revenu vers la voie des pieux prédécesseurs à la fin de sa vie et quelle est l'authenticité de cette parole? Réponse de Cheikh le lion de la Sunna Cheikh Nasr al-Din al-Albani رحمه الله. Il a dit non tristement mais il a fait des pas vers cela même des pas qui sont peu et très lents. Et je demande à Allah le Très-Haut qu'il lui ait pardonné ainsi qu'à ceux comme lui parmi les gens des sciences. C'est la fatwa numéro 8, la cassette numéro 13 de Silsila Huda wan Nur. Pour les frères, ne vous inquiétez pas, j'ai mis la source sur le PDF qui va sortir sur le site, qui sera le PDF numéro 7, Inch'Allah. Maintenant, on va citer la parole d'Imam Ghazali. Maintenant, vous savez un peu c'est qui l'Imam Ghazali. Et sache, mais c'est un shir, hein, de la Sunna qui cite sa parole, qui sait pourquoi il la cite, hein, et son authenticité, etc. Et sache que la science de ce par quoi on juge mécréant et ce par quoi on ne juge pas mécréant requiert un long développement qui nécessite que l'on cite toutes les paroles et toutes les écoles juridiques ainsi que l'ambiguïté de chacun et sa preuve et son éloignement du sens apparent et la raison de son interprétation. Cela ne peut être contenu dans quelques volumes. Et mon temps n'est pas assez vaste que pour expliquer tout cela. Satisfais-toi donc d'une recommandation et d'un principe. Quant à la recommandation, c'est que tu tiennes ta langue. En ce qui concerne les gens de la Qibla, les musulmans, autant que tu le peux, et tant qu'ils disent que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, et qu'ils ne commettent pas une annulation de l'islam jusqu'à ce qu'ils disent, car il y a un danger dans le fait de juger quelqu'un mécréant. Et il n'y a aucun danger quant à se taire. Et qu'est-ce qu'ils essaient de faire croire ces frères-là? Que si tu te tais, c'est toi qui es en danger. Là, essaie de pas mettre un chouba, c'est toi qui es en danger. Là, essaie de pas mettre des choubats à mes frères. Et wallah, si quelqu'un essaie de mettre des choubats à nos frères dans cette mosquée, bidnillah ta'ala nous trouvera devant lui. Alhamdoulilah, on a peur de personne, fillah azza wa jal. La ana khafu fillah ilo matala'im. Et nous, alhamdoulilah, on fréquente pas les frères parce qu'on joue au football ensemble, ou là, on boit un café ensemble parce qu'on est des amis. C'est din qui nous regroupe, c'est din qui nous sépare. Il dit, il n'y a aucun danger quant à se taire. Jusqu'à ce qu'il dise, s'abstenir de juger quelqu'un mécréant est meilleur, tandis que se précipiter à juger quelqu'un comme étant mécréant, c'est ce qui prédomine. La nature de ceux chez qui l'ignorance prédomine. Allahu Akbar. Kalam wadih. Fi ghayat al-wudouh. Liman arada al-wudouh. Fin de citation de Al-Ghazali. Il dit, voir Faisal al-Tafriqati ben al-Islam al-Zandaqa, page 73. Je dis, c'est pas moi, c'est Cheikh Al-Arini. Cheikh Al-Arini, docteur avec préface de Cheikh Al-Mufti et de Cheikh Salih Al-Fawzan. Il nous est obligatoire ici de nous arrêter sur les points suivants. Il va citer 5 points. La différenciation entre la mécréance originale et la mécréance d'apostasie. Un des frères qui lisait certaines paroles de Cheikh Falah. Regardez l'adab déjà, il peut mettre des livres de ça pour lire à Cheikh Falah. Hein? Il lui dit, na'am alladina la yadinuna bin l'islam. Il dit, ah, habas, il a dit, le musulman, il est la yadinuna bin l'islam. Et là, il m'a regardé le cheikh, il m'a dit, Mehdi, les juifs et les chrétiens, c'est mécréant. J'ai dit, non, mais cheikh. Et après, j'ai continué à boire monter avec les frères qui étaient là, etc. J'ai laissé le cheikh parler. Hein? La différenciation entre la mécréance originelle et la mécréance d'apostasie. Quant à la mécréance originelle, il n'y a aucune dispute à ce sujet. Et c'est de juger mécréants, les mécréants tels que les juifs et les chrétiens, etc. En ce qui concerne la mécréance d'apostasie, kufr ridda, qui advient, c'est là où les pieds peuvent glisser. Et que les troubles peuvent arriver. Surtout en ce qui concerne le fait de juger mécréant un individu spécifique. Et si quelqu'un n'est pas de garde ça, et ben, il prend un avion, il va regarder, il va débattre avec Cheikh Al-Mufti, avec Mufti, Cheikh Salih Al-Fawzan et Docteur Al-Arini. Pourquoi tu viens me parler à moi? Va parler à ces gens-là. Dis, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit dans le livre, vous avez préfacé le livre, je ne suis pas d'accord. Car l'erreur, l'ignorance, la capacité, la contrainte sont toutes des empêchements qui empêchent de juger un individu spécifique mécréant. Ils font donc absolument que se retrouvent la science, l'intention, la volonté et l'absence d'ambiguïté pour que l'on juge quelqu'un de spécifique mécréant. C'est quoi tout ça? Et il n'est possible de juger quelqu'un mécréant qu'avec une preuve catégorique de la révélation. Il n'y a aucune place dans ce domaine pour la raison ou le doute, ou la divergence. Deuxième point. Allah le Très-Haut ne nous a pas incités à l'adorer par le tekfir. Donc, comme disent certains mashayikh, ils disent que ces frères-là, ils te font croire que ça, c'est la mis'ala pour toi, hein, primordial dans ta vie, et tout doit tourner autour de ça. Juger les gens mécréants. Cheikh, il dit, il n'y a rien dans les textes du Coran et de la Sunna et les paroles des pieux prédécesseurs, d'après ce que je sais, et à mon avis, il en sait beaucoup plus que ce que ces frères-là savent, hein, qui indiquent le désir ardent de la législation et son aspiration au tekfir, tandis que nous y trouvons la mise en garde et l'intimidation en ce qui concerne le tekfir. Il ne convient donc pas aux musulmans qu'ils s'occupent à juger les autres mécréants. Tant qu'il n'y a pas une mécréance claire sur laquelle il est obligatoire de poser un jugement, et on dira, ah, t'es d'accord avec nous alors? Laisse-moi finir la phrase. De la part des gens de science et des leaders religieux, car des jugements découlent du tekfir qui impliquent l'intervention des gouverneurs et des juges afin de les mettre en application. Et akhifillah, ni toi ni moi on fait partie de ces gens-là. 3. Donner le jugement de tekfir est spécifique aux gens de science et aux leaders religieux qui détiennent la responsabilité et l'imama légiféré, car lorsqu'il juge quelqu'un mécréant, ce jugement de tekfir porte ses fruits. Et les gens les suivent dans leur voie, et les dirigeants mettent en application leur jugement, et la masse des gens prend leur avis. Tandis que les particuliers parmi les étudiants en sciences islamiques et le commun des musulmans, ils n'ont aucun accès au tekfir, en raison de ce qui résulte, de ce qu'ils émettent comme jugement de tekfir, comme précipitation, et l'absence de profondeur dans la science, hein, et dans la religion, et l'absence de vérification que les conditions soient réunies, et les empêchements soient absents. Et certains de ces frères-là, je lui dis, c'est quoi Shurut, c'est quoi le mania? Ils ne savent même pas m'expliquer, c'est quoi ni Shurut, ni mania, ils ne comprennent rien du tout. 4. Hein, il vous dit, ouais, Mehdi, tu parles un peu beaucoup de ça. Inch'Allah, je vais continuer à parler de ça jusqu'à ce qu'il soit clair pour tout le monde ici. Et je ne vais pas me taire. Et qu'il y en a un qui m'essaie de m'arrêter de me taire. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah, non, hein, je continue à parler parce qu'ils sont encore très actifs jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour ça que beaucoup d'awam qui sont dans nos mosquées à la base, qui aiment les frères, qui aiment les douats ici, qui aiment les mejid, etc., ils les ont retournés contre nous. Ça, c'est une vérité. Hein? Et que les frères qui fréquentent la mosquée, qui suivent les cours assidûment, et qui connaissent les frères, qui aiment les mejid, etc., ils connaissent. C'est ces gens-là qui divisent notre communauté ici, Salafi à Birmingham, et qui disent, mais je suis boîte aux gens, etc. À tel point que maintenant, tu vas t'asseoir avec un frère, et il te fait directement un petit han. Qu'est-ce que tu dis sur l'Udou Biljal? Comment ça, qu'est-ce que je dis? Hein? Tu es kafar ou tu es kafar pas, toi? Regardez! Alors que certains de ces frères-là, ils sont venus chez moi au début, et chez un de nos frères ici aussi, Douad, ils nous ont posé la même question, là, pour répondre de la même manière. On leur dit, rentre pas là-dedans, laissons eux la main. Hein? Et après, c'est ces frères-là, maintenant, qui posent ces questions-là aux gens. Hein? Et j'insiste, parce que j'ai vu qu'au début de cette fitna-là, il y a certains de nos frères, parce qu'ils n'ont pas des bases, ils ne connaissent pas le tafsir de ces omours-là, ils se sont fait avoir au début, ou ils ont failli se faire avoir. Même certains de nos frères qui sont salafis et qui m'aiment bien, etc., qui aiment le haq, etc., ils ont commencé à avoir des réactions un peu, hein, avec moi, etc., et je les ai bien remis en place. Parce que c'est din, ça. Si tu me fais nasiha, barakallahu fik, ou là, qui ne parle avec le haq, si tu ne connais pas ce masa, il ne rentre pas là-dedans. Hein? Et laisse-moi faire. Pourquoi? Parce que moi, je vais rapporter les paroles des gens de science. D'accord? Avec le temps, alhamdoulilah, ça s'est clarifié. Pourquoi? Parce qu'ils rentrent dans des masiles très détaillés. Très très détaillé. Il te rapporte sur le Fawzan, il a dit, sur un tel, il a dit, sur l'Islam, il a dit, un tel, il a dit, dans le Dour al-Saniya, Fata al-Ulam al-Najdiya, etc. Kada, kada. Et toi, tu dis, subhanallah, oui, il a peut-être raison. Hein? Cheikh, il dit, quatrième point, lorsqu'on trouve le tekfir facile, comme ces frères-là, les troubles apparaissent comme les parties de la nuit assombrissantes. Et les feux s'embrasent dans les sociétés des musulmans, d'un embrasement qui apaise leur ennemi et rend heureux ceux qui sont malveillants envers eux. Regardez la fitna de tekfir aujourd'hui, on ne va pas aller loin nous. Hein? C'est qui fait rentrer les armées des koufars dans nos pays à nous? C'est qui? C'est pas le khawarij. Hmm? Subhanallah. Regardez les ulama, comment c'est clair, c'est wadih. Et Cheikh, il dit, et combien les pays musulmans ont souffert de cette épreuve du tekfir à travers les époques, depuis les premiers siècles jusqu'aujourd'hui, à tel point que les musulmans ont été occupés au lieu de leurs adorations et de leurs rites apparents par le fait de s'entretuer. Et le sang a coulé, et les demeures ont été détruites, et les biens ont été perdus. Et tout cela en raison du tekfir émis par ceux qui ne sont pas compétents en la matière. 5. Il n'est pas possible de mettre fin à tous les troubles, car telle est la règle d'Allah le Très-Haut dans sa création. Mais ce qui est obligatoire aux sociétés islamiques, leur gouvernement et leur peuple, c'est de donner de l'importance à la fatwa et aux muftis afin de préparer des muftis compétents dans la législation islamique et d'orienter les sociétés vers eux afin que les choses soient maintenues dans l'ordre et que les avis religieux soient unis à un niveau suffisant ou raisonnable. Et ce, afin de préserver la société des courants arrivants, et à partir de cela, de revenir à la législation d'Allah le Très-Haut, pour juger avec vérité, après cela, ceux qui se séparent du corpus des musulmans. Et vous voyez bien, on ne dit pas non, il n'y a pas de tekfir du tout. C'est pas, on n'a jamais dit ça. La ifrat ou la tafrit. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que nous, on apprend dans l'aqidah, comme Cheikh Zalaji, on sait qui est le kafir, qui n'est pas le kafir, qui, ça c'est une ridda, ça c'est pas une ridda, etc. Ça c'est un aqid, ça c'est pas un aqid. Celui qui fait ça, c'est un kafir, celui qui fait ça, c'est un mushrik, celui qui dit ça, c'est un kafir, celui qui dit ça, c'est un mushrik. Naam. Mais moi, j'ai un avis spécifique, moi, je ne peux pas, c'est les ulama qui font ça. Hein? Et c'est là qu'une de leurs ambiguïtés réside, et Cheikh Zalaji, quand on va le revoir plus loin, il tacle cette ambiguïté-là. Vous allez voir, Inch'Allah. Source, c'est le livre Nahj al-Aqwa fi Arkan al-Fatwa du juge Dr Ahmed ibn Sulaym ibn Yusuf al-Arini, tiré du chapitre ayant pour titre Qui possède la fatwa dans le tekfir, page 401 à 404, aux éditions Dar al-Asimah, livre préfacé par son éminence, comme je l'ai déjà dit, le Mufti, Cheikh Abdelaziz al-Cheikh, et Cheikh Saleh al-Fawzan, membre du comité des grands savants, qu'Allah les préserve tous. Et cette parole, elle a été publiée sur notre site dans la série précitée sous le numéro 3. Il faut savoir qu'elle n'est pas encore sur notre site aujourd'hui parce que c'est quelque chose que je devais encore finir de traduire. hein, mais elle sera dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent, inshallah, sur notre site. Question suivante. Alim suivant, savant suivant, sur le même point. Hein? Un savant que certains... Et d'ailleurs, vous remarquez que certains de ceux-là, hein, qui tournent autour du tekfir, etc., ou qui sont associés avec ceux qui tournent autour du tekfir, etc., dans cette mosquée autour, etc., hein, ils n'aiment pas. Cheikh Obeid. Cheikh Obeid Jabiri, hafidahullah. La question suivante fut posée au grand savant et imam de la Salafia. Qui a dit ça? Cheikh Rabi', il l'a dit. Le grand savant et porteur de l'étendard de la science et de l'éloge et de la critique. À cette époque, le noble Cheikh Rabi' bin Hadi al-Matkhali, il a dit ce Hajj-ci, le Hajj de 1433. Il a dit Cheikh Obeid, imamun fi salafiyya. Et j'ai mis la source, sahab.net. Eh ouais, tape ta tête contre la montagne encore une fois. Hein? On peut idrib ra'sak adr al-ha'it ou adr al-jabal. T'as deux montagnes, Cheikh Rabi' et Cheikh Obeid, choisis. Faut faire attention, et certains de ces frères-là, ils critiquent Cheikh Obeid al-Jabiri. Moi, je les connais. Iyak. Et toi, mon frère, c'est un minimum de jalousie envers les savants. Mon frère, comment tu peux t'asseoir et fréquenter quelqu'un qui critique Cheikh Obeid al-Jabiri? Subhanallah al-Azim. Wallah, ceux qui critiquent Cheikh Obeid al-Jabiri, hein, parmi ces gens, Wallah, il a dit la ilaha illahu, Wallah, je les déteste en Allah Azza wa Jal. Et de même pour toute personne qui critique nos savants de la Sunnah. Cheikh Obeid al-Jabiri, Cheikh Obeid ibn Abdillah ibn Suleiman al-Jabiri, qu'Allah le préserve. Question que lui est posée. Alhamdoulilah, on est assis entre frères salafis, majid salafis, le manhaj qui est établi ici, alhamdoulilah. C'est notre mosquée. Alhamdoulilah, le haq, il est wadih, il est zahir dans cette mosquée, alhamdoulilah. Notre cheikh, qu'Allah vous bénisse, celui qui pose la question dit... Nous entendons toujours que juger quelqu'un de spécifique comme étant innovateur, ou pervers, ou mécréant, est spécifique au savant. Est-ce que cette parole est à prendre de manière absolue? Même si une personne voit quelqu'un qui insulte Allah et son messager, elle ne le juge pas comme étant mécréant? La réponse. Cela est sous le rapport de l'absolu et du général, et sous le rapport de la restriction du spécifique. Ça, déjà, il leur faut un dictionnaire à ces frères-là pour comprendre cette phrase-là. Donc, sous le rapport de l'absolu et du général... Et sous le rapport de la restriction du spécifique. Donc sous le rapport de l'absolu du général, celui qui a une aptitude, écoutez bien, si on parle du général, rappelez, général, l'âme, hein, no. Celui qui a une aptitude, soit qu'il est un savant, ou qu'il a étudié chez les gens de science les règles à ce sujet, lui dit de manière générale, comme par exemple, celui qui insulte Allah a mécru. Celui qui boit de l'alcool est un pervers. Celui qui fornique est un pervers. Celui qui délaisse la prière en reniant son obligation a mécru, etc. Mais de manière spécifique, je vous ai dit, et je le répète maintenant, de manière générale, on se suffit de l'indication donnée par la législation. Mais de manière spécifique, il faut absolument que deux choses soient regroupées. C'est là ce qu'il dit Cheikh Al-Uthaymeen aussi. Et je vais rapporter, il va rapporter un livre que moi je vous ai rapporté dans certains des cours. La première... L'indication de la législation que la transgression de cette personne nécessite une mécréance. Parce que parfois ils font le tekfir alors que ce n'est même pas une mécréance. Donc l'indication de la législation que la transgression de cette personne nécessite une mécréance ou une perversité ou une innovation religieuse. La deuxième. L'application de cet attribut à cette personne spécifique. L'application de cet attribut à cette personne spécifique. Moi je vous rappelle une règle. Alhamdulillah, que j'ai étudié il y a de nombreuses années dans le kitab al-Tawhid, le Qawl Mufid, Fadila al-Tawhid, 1200 pages, Cheikh Al-Uthaymeen. Il a dit, Al-Hukm al-Mu'allaq ala al-Awsaf, la yantabiq ala al-Ashkhas, hatta tajtami' shurut intibaqihi, wa tantafiya mawani'uhu. Regardez, quand vous étudiez les règles, comment elles restent là, et qu'il y en a qui veut sortir une choubha, vous pouvez la réfuter avec cette règle-là. Écoutez ce qu'il a dit, l'application de cet attribut à cette personne spécifique. Et je vous ai déjà cité précédemment les conditions pour cela. Et celui qui désire en savoir plus, qu'il révise le livre précieux et bénéfique, excellent, les règles exemplaires du savant et expert et jurisconsulte et mujtahid. C'est Cheikh Obeid toujours qui parle ici. Les mêmes Cheikh Mohamed Moussa al-Uthaymeen, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et puis, je mets la source de Cheikh Obeid al-Jabiri. Par rapport à ce livre-là de Al-Qawa'id al-Muthla, de Cheikh al-Uthaymeen, Wallah, ya ikhwa, c'est un livre en or. Hein? C'est un livre en or. Allah Azzawajal, il m'a comblé de son bienfait que j'ai pu l'étudier avec plusieurs explications de ma chère, notamment Cheikh Obed et Cheikh Mohamed Aman. Écoutez les cassettes de Cheikh Mohamed Aman de ce charah-là. Rahmatullah alayh. Un régal pour un salafi. Hein? Lisez le livre de Cheikh Obed qu'il a imprimé. Il est imprimé. Et regardez ce que je veux vous dire ici. Le Cheikh fait référence au chapitre à la fin du livre où Cheikh Al-Uthaymeen, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et subhanallah, ce chapitre, je le vois. Quand je parlais à ces frères-là, ce chapitre, il me revenait en tête, subhanallah al-adim. Parce qu'il parle de l'ilhad, de l'asma, de sifat, etc. Et après, il s'attache à tout un chapitre. Comment se comporter par rapport à ces gens-là qui disent des paroles de mécréance? Et rapporte le mu'taqad, le manhaj, al-sunna, al-jama'a. Ou Cheikh Al-Uthaymeen, ce chapitre où Cheikh Al-Uthaymeen, qu'Allah lui fasse miséricorde, explique la voix des gens de la sunna et du consensus à ce sujet avec une grande précision. Ce livre a d'ailleurs été expliqué par Cheikh Al-Uthaymeen lui-même qui est l'auteur du livre. J'ai mis un lien pour vous les frères. Vous pouvez le télécharger ce livre de Cheikh Al-Uthaymeen, avec le charh de Cheikh Al-Uthaymeen. Et par Cheikh Obeid sous le titre « Fath al-Ali al-A'la bi charh al-Qa'id al-Muthla ». C'est un livre qui est d'une édition qui n'existe plus, qui était le Furqan à l'époque aux Émirats. Alhamdoulilah, j'ai pu voyager plusieurs fois aux Émirats, j'ai rencontré le directeur de la Furqan, c'est pour ça qu'à l'époque, alhamdoulilah, Allah, subhanallah al-Azim, quand je pense combien de fois Allah m'a facilité dans ma vie, il m'a mis devant la cassette qu'il fallait, devant le livre qu'il fallait, devant la personne qu'il fallait. Ça, c'est tawfiq min Allah, subhanahu wa ta'ala. Et je vous ai mis le lien, vous pouvez télécharger ce livre-là. Et par Cheikh Mohamed Amel Jami, et je vous ai mis le lien, vous pouvez avoir tout ça là aussi. Et par Cheikh Abdelrazak Al-Abbad Al-Badr, et je vous ai mis le lien aussi. Et par Cheikh Mohamed Saïd Raslan, et je vous ai mis le lien. Là, vous en avez pour pas mal de mois de, hein, d'écoute et de lecture, Inch'Allah. Cheikh Obel Jabiri, quand cette fitna est arrivée dans cette mosquée ici, Cheikh Obel Jabiri, il y avait juste une conférence qui était arrivée à ce moment-là. Cheikh Obel Jabiri, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein? Mais certains de ses frères-là étaient occupés pas loin dans une mosquée, pas loin d'ici, à la Koulihal. Hein? Donc, Cheikh Obed, il donnait cours ici. Hein? Cheikh Obed, il a rapporté toutes ces règles-là. Et Abu Khadija, notre frère, il a pris ce chapitre de Cheikh Al-Uthaymeen et il l'a traduit en anglais, il l'a expliqué. Yani pour celui qui comprend, yani khlas, wadih, le kalam wadih. C'est sa manière à lui de répondre à cette fitna-là. Et cette parole, elle a été publiée sur notre site, dans la série Cité numéro 4. Ça faisait encore un peu le temps, les frères. Hein? Voici une autre parole du grand savant, le noble Cheikh Saleh Al-Fawzan. Donc ça fait déjà la deuxième Cheikh Al-Fawzan, en plus de la préface de Cheikh Al-Arini. En sachant que j'ai dit qu'il y a au moins une dizaine ou une vingtaine de paroles de Cheikh, sans parler de ses livres, sans parler, hein, même dans Sharh Al-Waqid Al-Islam, dans Al-Ajoub Al-Mufida, dans d'autres livres, etc. Mais Inch'Allah, quand j'aurai le temps, je traduirai petit à petit, Inch'Allah. Qu'Allah le préserve où il stipule clairement que le fait de juger un individu spécifique comme étant mécréant ne revient qu'aux savants enracinés dans la science et aux juges dans les tribunaux religieux. La question suivante lui fut posée. Celui qui pose la question dit « Votre éminence, qu'Allah vous facilite le bien, qui est-ce qui juge l'individu comme étant mécréant ?» La réponse du noble Cheikh. Ceux qui jugent sont les gens de science et de clairvoyance qui connaissent les jugements et les appliquent correctement. Et ce ne sont pas les gens de la masse ou ceux qui font les savants. Ou les gens des passions. Les seuls qui jugent à ce sujet sont les gens de science et de clairvoyance. Ils jugent un individu spécifique comme étant mécréant après qu'il ait cru. Il faut donc obligatoirement qu'il soit des gens de science et des gens clairvoyants. La personne spécifique, il lui faut obligatoirement lui présenter les preuves chez le juge, car il se peut qu'elle ait une excuse. Il se peut qu'elle ait une mauvaise interprétation, et il se peut, etc. C'est obligatoire. L'individu spécifique n'est jugé comme étant mécréant que chez le juge, au sein du tribunal religieux. Il y en a, ils ont fait un tribunal juste derrière, là, ici, dans le coin, là, près du pilier, là-bas. Hein? Quant à la généralité de dire, celui qui a fait telle chose est un mécréant, celui qui fait telle chose, celui qui invoque autre qu'Allah, celui qui est associé à Allah, celui qui immole une bête, pour autre qu'Allah est mécréant, de manière générale, oui. Alors, on juge mécréant de manière générale. Mais l'individu spécifique, alors non. Il n'est jugé mécréant que chez le juge, car il se peut qu'il ait une excuse. Hein? Et un de nos frères, il a dit ça. Un de ses frères-là, il lui dit, toi, t'as de l'irja. T'es prêt à dire ça sur Charles Fauzan? Hein? Et qu'il fasse attention à ce qu'il va dire. Hein? Il se peut qu'il soit ignorant. Il se peut qu'il soit contraint. Il se peut qu'il ait une excuse. Il faut donc absolument se lâcher le juge. Fin de citation de Cheikh Al-Fawzan, et j'ai mis la source. Vous pouvez entendre sa parole, de sa voix, et c'est publié sous la série numéro 5 sur notre site. Voici une parole maintenant du mufti du sud de l'Arabie, de son vivant, son éminent Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, rahmatullah alayh, qui établit que ceux qui jugent un individu spécifique comme étant mécréant sont exclusivement les grands savants. Question. Ça, c'est un livre que je vous ai conseillé dans le ménage, Al-Fatawa al-Jaliyah. En deux tomes, la première, c'est une petite risala, le numéro 2, c'est un gros tome. Achetez-les, les frères. Hein? Si vous ne savez pas les trouver ici, etc., dans la vie, des fois, c'est bien de mettre un peu d'argent de côté, d'aller faire un tour en Arabie Saoudite ou en Égypte et de faire une petite mektaba. Salafi, il a une bonne mektaba à la maison. Hein? Des bons livres dans le ménage. Question. Est-il permis à l'étudiant en sciences islamiques qui est bien établi dans les sciences islamiques, et le cheikh en arabe, il utilise talib ilm mutamakkin, il l'utilise en arabe, de faire le tabdi', c'est-à-dire le fait de juger quelqu'un comme étant un innovateur, une personne spécifique, ou le takfir, le fait de juger un individu spécifique comme étant mécréant, ou est-ce exclusif aux gens de science? Réponse de l'allama cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi. Je rappelle que cheikh Najmi, c'est parmi les chouurs de cheikh Rabi' et d'autres parmi nos mashayikhs. Il n'est pas permis à l'étudiant en sciences islamiques débutant de faire le tabdi' ou le takfir jusqu'à ce qu'il devienne compétent à le faire. Et il lui incombe de confier cela au grand kibar al-ilm, là tu le dis en arabe, il a dit. Au grand parmi les gens de science et ce de manière exclusive. Comme l'a dit Cheikh Hassan al-Banna. Car Allah le Très-Haut a dit, c'est dans la traduction du sens est, et c'est un verset que je vous ai déjà cité dans un des cours, hein, et c'est que j'ai déjà cité à ce genre de frères-là, etc. Pourquoi ? Wa ida ja'ahum amru min al-amni aw al-khawfi ada'u bih. La traduction du sens, s'il a rapporté aux messagers, aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité. Et les frères qui travaillent avec moi, ils sont témoins que j'ai cité ce genre de verset-là. Hein? Surat An-Nisa, verset 83. C'est tiré de Al-Fatawa al-Jaliyah, de Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, volume 2, page 72-73 aux éditions Dar al-Minhaj. C'est une maison d'édition avec laquelle je travaillais quand j'étais dans les livres à l'époque. Et c'est publié sur notre site sous le numéro 6. Maintenant, quelque chose que je vous ai promis depuis longtemps, la parole de Cheikh Saleh Ali Cheikh, l'interview avec le journaliste. Cité par qui? Par Cheikh Khalid Abu Abdel'A'la, Khalid Uthman. Hein? Khalid Uthman, comme on l'appelle. Je l'ai eu au téléphone cette semaine, d'ailleurs, il vous passe le salam. Hmm? Écoute, regardez ce livre. Ça, c'est un livre. Il faut l'avoir, un salafi doit l'avoir, ce livre-là. Hein? Al-Kawashif al-Jaliyah, l'il-Furuq ben al-Salafiyah, al-Da'wat al-Hizbiyah, al-Bid'iyah. C'est un cours de Cheikh Mohamed Barramz al-Hajiri où il rapporte en fait toutes les choses, les points distinctifs qui dévoilent les différences entre la da'wa salafia et les da'wa hizbiya. Et Cheikh Khalid Abou Ablaï, il a pris ce cours et point par point, point distinctif par point distinctif, il a expliqué, il en a fait un gros volume qui fait combien de pages? 400 pages. Regardez encore une fois le Qadar. Ce livre-là, je l'ai acheté en 2006 de la main de Cheikh Khalid Abou Ablaï dans son bureau, en Égypte, au Caire. Allah, il a voulu que je sois à ce moment-là et que je trouve ce livre-là qui venait de sortir et que je le prenne et que je l'achète de la main du Cheikh. Et d'ailleurs, cette semaine que je lui téléphone, je lui ai rappelé et je lui ai remercié pour cela. Et je lui ai dit, Cheikh, vous ne vous rendez pas compte. Hein, d'une certaine manière, je lui dis, hein, le khair qu'il y a dans ce livre. Il a dit, Fadl min Allah, subhanahu wa ta'ala. Je voulais remercier beaucoup pour ce livre-là et que ça nous a ouvert beaucoup les yeux sur beaucoup d'ambiguïté des gens, hein, de certaines personnes. Et d'ailleurs, il y a un chapitre entier sur un point distinctif entre les da'wat salafiyah et les da'wat hizbiyah. La da'wat salafiyah et les da'wat hizbiyah bid'iyah, c'est quoi sur quoi? Hein? C'est le takfir. Hein? Pour que vous classiez un peu les gens. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Page 294 et 95. 294, 295. Je vous explique d'abord un peu le contexte de cette parole-là, de Cheikh Saleh Ali Cheikh. Donc là, on a dit qui, c'est qui, de qui on parle ici, de Cheikh Abu Abdel'A'la, hein, Khalid ibn Mohammed ibn Uthman, le Masri, qui vit toujours aujourd'hui au Caire d'ailleurs. Qu'Allah le préserve et qui est très proche de Cheikh Hassan al-Banna d'ailleurs. Il rapporte une interview d'un journaliste saoudien, que moi j'avais déjà vu à l'époque encore une fois. J'ai tombé dessus sur internet, un journaliste saoudien qui pose des questions à Cheikh Saleh Ali Cheikh après des attentats qui ont été commis en Arabie Saoudite. Et il parle de tekfir, parce qu'à la base de ça, les attentats c'est tekfir. Parce qu'ils ne font ça que parce qu'ils considèrent les gens comme étant mécréants. Et donc, dans leur fausse conception, c'est un jihad, donc ils peuvent tuer les gens. C'est ça, la base. La base, c'est le takfir. comme le ulama disent, takfir thumma tafjir. Et donc il rapporte une interview d'un journaliste, et il m'a facilité le travail parce qu'il a fait le tafrir de tout ça, il l'a rapporté dans son livre, qui pose des questions à son éminence, le ministre des Affaires religieuses en Arabie Saoudite, Cheikh Saleh Ali Cheikh, qu'Allah le préserve, sur le takfir, et ce après des attentats commis en Arabie. D'accord ? D'ailleurs, pour les frères qui comprennent bien l'arabe, il faut un bon niveau en arabe, si vous voulez, j'ai une cassette, hein, pour les frères qui sont déjà venus chez moi dans ma mektaba, j'ai plusieurs milliers de cassettes, alhamdoulilah, hein, en tout cas plus d'un millier de cassettes, alhamdoulilah, de Menhaj et d'autres, etc. Et une des cassettes que j'avais achetées à l'époque, c'était une thèse de doctorat débattue à l'université de Médine. Et c'est qui débattait dans le jury avec la personne qui faisait le doctorat? Cheikh Abdelrazak al-Badr, Cheikh Saleh Ali Cheikh et Cheikh Mohamed Rabi' al-Madkhali. MashaAllah, précis. Et Cheikh, il dit à la personne qui fait la thèse de doctorat, il lui parle, il lui dit que il y a certains points, tu n'as pas assez détaillé, on aurait bien voulu que certaines fatwas que tu as rapportées des ulama du Najd à l'époque, hein, comme c'est rapporté dans Durr al-Sani, etc., que tu montres dans le contexte historique, ils ont fait ce genre de fatwa-là, parce que les tekfiris, ils ont fait ce genre de fatwa-là, hors de leur contexte historique. Cheikh Saleh Cheikh, c'est un spécialiste en la matière. Très précis. Donc Cheikh Saleh Ali Cheikh, il met en évidence le danger de se précipiter dans ce genre de sujet dangereux et l'obligation de confier l'affaire au juge et au mufti compétent. Je vous lis en arabe et je lis en français. قال السائل أحسن الله إليكم معالي الشيخ مسألة التكفير يعني واضحة وبينة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني في مناهجنا التعليمية والحديث على هذا الموضوع وخطوراته لكن مع هذا كله وقع بعض الانحراف فما هو السبب معالي الشيخ journaliste pose la question, il dit qu'Allah vous récompensant bien votre éminence, les affaires liées au tekfir sont, c'est-à-dire claires et évidentes dans le livre d'Allah et la sunna de son messager صلى الله عليه وسلم et c'est-à-dire dans nos programmes scolaires. Hein, contrairement à ce que disent les koufars, que c'est les programmes scolaires d'Arabie Saoudite qui enseignent aux gens le tekfir et l'extrémisme et le terrorisme. Kadiboullah. C'est-à-dire dans nos programmes, d'ailleurs, les ulama d'Arabie Saoudite, hein, comme des fois quand on se fait arrêter à l'aéroport, etc., c'est ce que je leur dis, moi. Je leur dis, nous, on combat le terrorisme plus que vous. Parce que nous, on combat l'idéologie du terrorisme. On le combat à la source. Hein? C'est-à-dire dans nos programmes scolaires, ainsi que la prise de parole sur ce sujet et son danger. Mais malgré tout cela, une certaine déviance a eu lieu. Quelle en est la raison, votre éminence ? Cheikh Saleh Ali Cheikh répond. أولاً أحب أن أقدم أن التكفير حكم. التكفير معناه أن تكفر مسلماً. والتكفير أتى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تكفير من كفره الله جل وعلا أو تكفير المسلم الذي ارتد عن دينه هذا حكم موجود في الكتاب والسنة يقول جل وعلا يقول الله جل وعلا وكفروا بعد إسلامهم سورة التوبة وقال كفروا بعد إيمانهم سورة آل عمران وقال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه سورة المائدة والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من المرتدين التارك لدينه المفارق للجماعة. Donc ici, Cheikh Saleh Ali Cheikh, il dit, premièrement, je voudrais dire en guise d'introduction que le tekfir est un jugement, et que le sens du tekfir est que tu juges un musulman comme étant mécréant. Et le tekfir a été rapporté dans le livre d'Allah, et dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, le tekfir de ceux qui ont été jugés mécréants par Allah le Très-Haut, ou le tekfir du musulman qui a apostasié. Ce jugement se trouve dans le Coran et la sunna. Allah dit, ce dont la traduction du sens est, ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Surat al-Tawba, verset 74. Et il dit, verset surat Maïda, verset 54, traduction du sens, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que parmi les apostats, il y a celui qui a laissé sa religion et quitté le corpus des musulmans. Cheikh, il dit, فَإِذَنْ حُكْمُ التَّكْفِرْ مَوْجُودٌ وَمِنْهَجْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَ أَنَ الرِّدَّةَ قَدْ تَعْرِضُ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وأن محمد رسول الله إما بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك وهذا هو الذي دونه أهل العلم في كتب التفسير وكتب العقائد وكتب الفقه من أتباع المذاهب ici une faute, il n'y a pas le mime. Al madahib l'islamia jami'an. Lakin hada l'amr ladi huwa mawjoudun fi tafasir, wa mawjoudun fi l'ahadith, wa mawjoudun fi shurouh, wa mawjoudun fi kutub al-fiqh. Hatta la yujad madhab illa wa hunaka babun khas fi hada l'amr, ismuhu bab hukm al-murtad. Cheikh Salah al-Sheikh il dit, donc le jugement des tekfirs existe. Et la méthodologie des gens de la sunna du consensus est qu'un musulman qui atteste que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah et que Mohammed est le messager d'Allah peut apostasier soit par une parole ou une action ou une croyance ou un doute. Et c'est ce qui a été écrit par les gens de science dans les livres d'exégèse et les livres de croyance et les livres de jurisprudence parmi les suiveurs de toutes les écoles juridiques islamiques. Mais cette affaire qui se trouve dans les exégèses et se trouve dans les hadiths, et se trouve dans les explications, et se trouve dans les livres de jurisprudence, à tel point qu'il n'y a pas d'école juridique qui n'ait pas un chapitre spécifique sur ce sujet, qui s'appelle le chapitre du jugement de l'apostat. Le Cheikh Falah, qu'elle a fait l'ancien à ses frères-là, il leur a dit, ça c'est le dernier chapitre qu'on étudie à Ikhwa. Et les ulama, quand on a appris avec les ulama, les grands machers, il a dit, ils ne s'attardent pas sur le sujet. Cheikh, il dit, Cheikh Salih al-Sheikh, هذا التكفير مع صعوبته وكونه من أواخر هذه la conformité de la parole de Cheikh Falah avec Cheikh Salih al-Sheikh من أواخر أبواب الفقه خاص فيه عفوا خاض فيه من لا يعرف أحكام الصلاة التفصيلية ولا أحكام الزكاة التفصيلية وهو أصعب الأبواب من جهة الفهم ومن جهة التطبيق. Ce takfir, malgré sa complexité, et qu'il fasse partie des derniers chapitres de la jurisprudence. Il patauge, c'est ça le bon mot, khada, il patauge certains qui ne connaissent même pas les règles de la prière détaillée, ni les règles de la zakat détaillée, alors qu'il, le takfir, fait partie des chapitres les plus difficiles du point de vue de la compréhension et du point de vue de sa mise en application. Le sujet du takfir, de manière générale, Cheikh, il dit, باب التكفير على العموم لا يليه أفراد الناس إذا كان الحكم في مسائل البيوع الموجودة في كتب الفقه يليه أو يتولاه من هو متخصص في البيوع أحكام الشركات من هو متخصص في الشركات وأحكام الأوقاف والوصايا والمواريث من هو متخصص في الفرائض والوصايا والمواريث الجنايات من يحكم بأن هذا يقتل وهذا يقتص منه وهذا يعطى الدية وهذا إلى آخره من الأحكام الشرعية من؟ من هو مختص في أحكام القضاء من أهل الفتوى فكيف بالحكم على مسلم بالردة لا شك أن هذا الأمر هو من أصعب ما يكون من جهة الفتوى ومن جهة الحكم ولذلك الحكم فيه ليس للأفراد ليس مما يطالب كل مسلم أنه يطبقه أو أنه يقول أنا أحكم على فلان وفلان بحسب ما أرى هذا مرتبط بوجود شروط ووجود موانع ووجود أحكام تفصيلية له فلهذا أهل العلم يجعلون أبواب التكفير موكلة إلى القضاة فقط وليست إلى عامة الناس ولا حتى أفراد طلبة العلم أنه يقول فلان ارتد وفلان خرج من دينه هذا كافر ونحو ذلك هذا حكم مختص بالقاضي القاضي هو الذي يحكم أو المفتي الذي اجتمعت فيه شروط القضاء المفتي الذي يحسن القضاء يعني إثبات الشروط وإثبات انتفاء الموانع. Cheikh Salih al-Sheikh, il continue en disant: le sujet du takfir de manière générale, les particuliers parmi les gens ne doivent pas y entrer. C'est le jugement en ce qui concerne les affaires sur les ventes qui se trouvent dans les livres de jurisprudence. S'en occupent ceux qui sont spécialistes dans les ventes. Et les jugements sur les partenariats, ceux qui sont spécialistes dans les partenariats. Et les jugements sur les legs pieux, et les testaments et les héritages, ceux qui sont spécialistes dans la science et des héritages. Comme par exemple, Cheikh Al-Muhsin Al-Katib, rahmatullah alayh, le grand savant de Médine qui est mort, rahmatullah alayh, était spécialiste dans le fara'id. Il a écrit un livre renommé d'ailleurs dans ce sujet-là. Qui juge qu'un tel est tué, et qu'un tel on lui applique la loi du talion, et qu'un tel on lui donne le prix du sang, et d'autres exemples parmi les jugements légiférés, ceux qui sont spécialistes dans les règles de justice, ou les gens qui font la fatwa. Qu'en est-il alors de juger un musulman apostat? Il n'y a aucun doute que cette affaire fait partie des choses les plus complexes du point de vue de la fatwa et du point de vue du jugement. C'est pour cela que le jugement en la matière n'est pas laissé aux particuliers parmi les gens et cela ne fait pas partie des choses au sujet desquelles il est demandé aux musulmans de les appliquer ou qu'ils disent. Moi, je juge un tel et un tel en fonction de ce que je vois. c'est lié à la présence de conditions et à la présence d'empêchements et à la présence de jugements détaillés à ce sujet. C'est pour cela que les gens de science disent que les affaires liées au tekfir ne sont confiées au juge uniquement, faqat, et pas au commun des gens, ni même aux particuliers parmi les étudiants de sciences islamiques, qu'ils disent un tel a apostasié, et un tel est sorti de sa religion, et un tel est mécréant, etc. Cela est un jugement exclusif au juge. Le juge est celui qui juge, ou le mufti qui a réuni les conditions pour juger. Encore une fois, maintenant, si quelqu'un n'est pas d'accord avec Cheikh Salah Ali Cheikh, Saudi Airlines, il prend un billet, il va à Cheikh Ali Cheikh Salah Ali Cheikh. Hayoun Yurzak, il est toujours vivant, alhamdoulilah. Hein, tu vois, tu dis, Cheikh, je ne suis pas d'accord, je ne connais rien, je n'ai jamais étudié, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Hein? Et tu vas voir ce qu'il va dire le Cheikh, Inch'Allah. Le mufti, Cheikh Salah Ali Cheikh, il continue en disant, le mufti qui sait juger convenablement, c'est-à-dire l'affirmation des conditions et l'affirmation de l'absence des empêchements. C'est pour cela que nous disons que l'empressement qui a eu lieu en arabie, لهذا نقول ان التسارع الذي حصل في هذا في هذه المسائل انا لست مع من ينفي هذا الحكم الشرعي لا شك ان هذا خطوره انه نقول انه لا يوجد باب اسمه باب الردة ولا يوجد ان المسلم يمكن يرتد ولا يصح ان نكفر حتى هناك من قال لا تكفروا اليهود والنصارى لا تكفروا غير المسلمين هذا مناقضه لاحكام الله جل وعلا في كتابه واحكام النبي صلى الله عليه وسلم. Écoutez ça, hein. Si vous comprenez ça, vous avez compris, wallah, un point très important. Et c'est une des ambiguïtés que je dis, vous essayez de jouer eux. Vous dites, ahi, man lam yukaffir al-kafir fa huwa kafir. Regardez ce qu'il va dire le shir. Naam, c'est une règle qui est authentique, mais comment l'ont compris les gens de science? Revenez à toutes les paroles qu'on a citées ici. Et écoutez ce qu'il va dire Cheikh Salah Ali Cheikh. Il dit, لكن المسألة الحكم موجود في الكتاب والسنة. لكن من يلي هذا الحكم؟ أهل العلم ذكروه لكن من يلي هذا الأمر هنا يأتي ضبط المسألة فإذا المسألة من جهة فقهية ومن جهة عقدية موجودة المسألة تعرض لها كتب العقائد مسائل التكفير وعرضها في كتب العقائد من جهة الاعتقاد لا من جهة الحكم فغابيلي فخير كون فيزيك فيكي سا ها؟ On oppose à l'école, etc. لأن الأحكام في الواقع هذه مرتبطة بالفقه. العقيدة فيها بعض أنواع التكفير لتعتقدها. Il y a une annotation de bas de page parce que Cheikh Hassan Benna il a préfacé ce livre et il a fait des annotations. On lit ce qu'il dit Cheikh Hassan Benna par rapport à ça. لتعتقدها. قال الشيخ حسن حفظه الله أي لتعرف صلتها بعقيدة أهل السنة. أو الفرق الضالة أي للتمييز وإذا استقرأنا كلام السلف الصالح غفر الله لهم لوجدناهم يردون على من يسألهم في هذا الأمر ردودا حاسمة لأن الاسترسال في الكلام يفتح أبوابا قد يكون من الصعب إيصادها إنه اللي اختلف خير في الكلس لبخت وفخت ها مازي كفر ماشي مشكل يا إخوان في المواقف من أبخس درس لهم في المواقف من أبخيخ كنتنا بقول الشيخ صالح علي الشيخ يعني من هو الذي يكفر ما هي الأعمال عفوا من الذي يكفر ما هي الأعمال المكفرة ما الصفة écoutez bien ça ça résume tout حتى يحضر منها المسلم ويعتقد ما قاله الله جل وعلا وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن الحكم سي بور كي العلماء اللي جوج nous c'est ce qu'on va faire dans la loi de l'islam on va prendre pour que notre aqida soit authentique pour qu'on fasse la différence entre les choses donc toi tu vas aller commencer à kaffer les gens là et je termine la parole du cheikh Salah Ali Cheikh en arabe on termine la page ومن هنا بدا الخلل بعد التفجيرات الى اخر ما قال ça il parle des attentats après etc la colère Cheikh il dit, c'est pour cela que nous disons que l'empressement qui a eu lieu dans ce genre d'affaires, moi je ne fais pas partie des gens qui nient ce jugement légiféré. Nous on ne fait pas partie de ces gens-là et on ne dit pas que ça n'existe pas dans le din. Hein? Car il n'y a aucun doute qu'il est dangereux que nous disions qu'il n'y a pas de chapitre qui est pour titre le chapitre de l'apostasie. Et qu'il n'existe pas qu'il est possible qu'un musulman apostasie. Ça arrive, nous on le sait. Hein? Et moi je connais un cas personnel, je vous l'ai déjà dit dans un de mes cours, d'un de mes amis qui était salafi, converti, il a appris la langue arabe, il a appris le Coran, en tout cas une grande partie du Coran, tajwid, il a appris l'usul talat, des moutons, etc. Maintenant, il dit qu'il n'est plus musulman. Irtadda an dinillah. Lui-même, il le dit. Sallallahu alayhi wa tabat, ya ikhwa. Et c'est parmi les frères qui étaient prometteurs, hein, tu le connais, hein? Hein? Non, mon frère Daoud est compagnon de longue date, hein? Il le connaît très bien. Hmm? C'est pas quelqu'un avec qui on avait une, hein, un espoir et qu'on voyait qu'il faisait, hein? On le voyait parmi les futurs douats, etc. Hmm? Parlait l'arabe classique, il téléphonait au ulama, il faisait l'ajroumiya, etc. Un frère converti. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le ramène à l'islam avant qu'il meure. Hein? Donc bien sûr, on sait que ça arrive. Cheikh, il dit, et il n'est pas correct que nous fassions, et certains, donc il dit, et qu'il n'est pas correct que nous fassions le jugement des tekfirs à tel point que certains ont dit, ne jugez pas les chrétiens et les juifs mécréants. Moi, je l'ai déjà entendu cette parole-là. Ne jugez pas les non-musulmans mécréants. Il dit, tu ne peux pas, c'est des croyants aussi. Ils ont leur foi, ils ont leur croyance aussi, c'est des croyants, c'est des mu'minoun. Subhanallah. On va lire un peu sur Al-Bayyina, on va lire un peu d'autres sourates, hein. Cheikh, il dit, cela oppose les jugements d'Allah le Très-Haut et les jugements du prophète, alayhi salatu salam. Mais le sujet du jugement existe dans le Coran, dans la Sunna, mais qui s'occupe de ce jugement? Cheikh, il dit, les gens de science en ont parlé, mais qui s'occupe de cela? C'est ici, Cheikh, il dit, que se fait la précision dans cette affaire. Le sujet du point de vue de la jurisprudence et du point de vue de la croyance existe. Le sujet est traité dans les livres de croyance, les sujets liés au tekfir. Et ils y sont traités du point de vue de la croyance, pas du point de vue du jugement. Car les jugements en réalité sont liés à la jurisprudence. Il y a dans la croyance certains genres de tekfir afin que tu y crois. Annotation de Cheikh Hassan, Ibn Abdul Wahhab, Marzouq al-Banna, Hafidahullah. C'est-à-dire afin que tu connaisses son lien avec la croyance des gens de la Sunna ou des groupes égarés. C'est-à-dire pour différencier. Et lorsque nous analysons les paroles des plus prédécesseurs, qu'Allah leur accorde son pardon, nous voyons qu'ils réfutent ceux qui leur posent des questions à ce sujet, des réfutations décisives. Car s'étendre sur le sujet ouvre des portes dont il est possible qu'il soit difficile de les fermer. Tu n'es pas d'accord? Prends un avion, va au Caire, Cheikh Hassan Benna, tu vas parler avec lui. C'est-à-dire, chérie, il y a dans la croyance certains genres de tekfir afin que tu y crois. C'est-à-dire, qui m'est croit? Et quelles sont les actions qui font sortir de l'islam? Et c'est pour ça qu'on va faire, Inch'Allah, de nous, tous les livres de Nawaq l'islam. Et chérie, dit, et quelle est la description? Et ce, afin que le musulman soit sur ses gardes et qu'il croit ce qu'Allah le Très-Haut a dit et ce qu'a dit son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Source, comme j'ai dit, Al-Kawashif Al-Jaliyah, yarhamukallah, Al-Kawashif Al-Jaliyah, للفروق بين السلفية والدعوات الحزبية البدعية page 294-295 aux éditions Dar Ilm al-Salaf. Ça, c'est un livre que je vous recommande vivement, d'avoir, parce que c'est un livre en or dans le menhaj. Et avec cela, on a fini ce cours aujourd'hui. Et on a fini donc ce 7e cours. Et on a fini avec cela l'introduction sur les 15 règles sur le tekfir. Et le prochain cours, Inch'Allah, on rentre directement dans Waqil Islam. Et ce ne sera pas avant le mois de mars, Inch'Allah, parce que je serai occupé. Hein, et je risque de voyager aussi, Inch'Allah. Donc, on se tient au courant via Twitter, via les textes, via le site, etc. Revoyez, Inch'Allah, revoyez. Essayez d'obtenir le livre en attendant si vous pouvez de votre côté, etc. Revoyez les masaïl, essayez d'étudier les règles, etc. Comme ça qu'on reprend, Inch'Allah, le cours. On commence directement dans la Waqil Islam, bidnillah ta'ala. Wallahu alam wa jazakumullahu khairan. Et comme je vous ai dit, ikhwa, on veut des mawaqif. Sinon, nous, on va avoir des mawaqif. Wal aql yafham. Wa subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.